répertorie. Au QHS on assassine, dans les prisons on compte les morts. Antisocial c'est la déprime, dernière émeute au corps à corps. Les ailes noires des rapaces cités pour mûres en plein hiver. Les policiers suivent à la trace un homme perdu dans un cimetière. C'était la nuit des longs couteaux, police, milice, armée, racaille. Amour à mort chez les barjots, le fruit béni de nos entrailles. C'est dans les yeux de mon frère Black qu'elle s'est cachée, la sœur misère. Avant de crever d'un coup de matraque, victime de la haine policière. Il est foutu ton hexagone, démocratie à l'agonie. La République a l'air d'une conne, les politiques sont des pourris. C'était la nuit des longs couteaux, la Marseillaise dans la gueule. Les bruits de bottes pour les fachos, au bout de la nuit tu te sens seul. C'est un arabe qu'on assassine au commissariat de la ville. La mort est une mauvaise frangine, tueur ou flic c'est pas facile. Les ailes noires des rapaces si dépaumées en plein hiver. Les policiers suivent à la trace un homme perdu dans un cimetière.